J'allais offrir des guimauves à Florian. Oh, oh. J'allais offrir des guimauves aux framboises. Oh, oh. J'allais offrir des guimauves à Florian. Oh, oh. Mais je n'ai pas eu le temps, car on lui a dit avant que j'étais un violeur. Florian, je ne suis pas un violeur, au contraire, je suis un enfant violé. Florian, n'écoute pas ces rumeurs. Oh, oh, j'ai juste eu des ex un peu cinglés. J'avais donné en quart à cette belle femme. Oh, oh, mais j'étais loin d'imaginer ce drame. Oh, oh, j'avais donné un rancard à Florian. Oh, oh. Oui, mais elle a renoncé, car on lui a raconté que j'allais la violer. Florian, je ne suis pas un violeur, au contraire, je suis un enfant violé. Florian, n'écoute pas ces menteurs. Oh, oh, oh. Je suis juste un borderline paumé. La la la la la la la la la la la. Je suis un enfant violé. La la la la la la la la. Oh, oh, oh. J'ai juste eu des ex un peu cinglés. Et puis, à cause de tout ça, ce harcèlement pour que je n'ai pas de nana, je suis et resterai à tout jamais un enfant violé.